Les Robinsons de la Guyane, de Louis Bousnard. Deuxième partie, Le secret de l'or. Chapitre 1er. Passe-moi le pot rouge. Attends une minute. Est-il bien ficelé au moins? Trop bien, j'en ai peur, il ne remue plus. Il n'est pas mort. Pas de bêtises, il représente un capital, notre fortune à tous, des millions. Faut-il desserrer? S'il nous échappe? Mais s'il étouffe, tu as raison. Il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. « Largue un peu les amarres, » reprend le premier interlocuteur, qui a une légère teinture littéraire, et semble joindre quelques connaissances des vocables maritimes. « Allons, dépêchons. » L'India inerte est enlevée sans effort. « Voilà qui est fait. Eh bien, il ne bouge ni pied ni patte. »« Tonnerre, nous voilà joli garçon, s'il avalait sa langue. Dame. »« Dame quoi? Je te confie ce particulier-là. Tu m'en réponds. Tu sais ce qu'il vaut, n'est-ce pas? Tu te charges d'avoir l'œil sur lui, de l'empêcher de se donner de l'air et... » Et le meilleur moyen de le noter l'envie, étant de le ficeler, je l'ai habillé avec 15 brasses de bitor première qualité. C'est pas une raison pour les triper. Tu en parles à ton aise, toi. Depuis 8 jours que nous trimballons ce cadet-là, il nous aurait joué le tour si je n'avais pas pris toutes mes précautions. Voyons. Une fois, deux fois. Est-il mort, oui ou non? S'il est mort, il ne vaut pas un chien en vie, et nous, eh bien, nous sommes fichus. Et le secret de l'or avec nous? Alors, mon camarade, je le déclare. Tu paieras pour lui. Je t'arracherai morceau par morceau la peau de dessus les os, je te... Tu es bête. Un peu rouge ne meurt pas comme ça. Ces vermines-là, ça vous a l'âme chevillée au flanc. Attends un peu, tu vas voir. Le second interlocuteur tire aussitôt de la poche de son pantalon de grosse toile un petit briquet et une de ces longues mèches jaunes employées par les fumeurs. Deux coups secs font jaillir d'un silex des gerbes d'étincelles, la mèche s'enflamme. L'homme détache les poignets de l'Indien toujours inerte et autour desquels la corde goudronnée a tracé deux sillons livides. Il rapproche les pouces et les serre violemment après avoir glissé entre eux la mèche incandescente. La chair pétille. Une écœurante odeur de grillé se répand dans l'atmosphère. La poitrine du pot rouge se soulève légèrement. Un soupir douloureux s'échappe de sa gorge. Il semble reprendre lentement ses sens sous le contact du feu qui mord et calcine ses chairs. Petit bonhomme, viens encore! Reprend avec un gros rire le bourreau, qui semble ravi de l'infamie qu'il vient de commettre. « À la bonne heure! Accroche-le solidement sous les bras. Voilà, c'est paré. Surtout, ne le laisse pas tomber à l'eau. Veillez au pagaie, vous autres. Ouïs !» Le malheureux Indien, dont la peau fume encore, est enlevé comme un ballot de linge par l'homme, qui semble doué d'une vigueur athlétique et qui, ce tour de force accompli, le dépose près de lui sur le roc nu. « Allons, vous autres, à votre tour, et de l'ordre !» 4 hommes s'apprêtent à franchir une de ces murailles rocheuses qui coupent fréquemment les cours d'eau de la Guyane et qui sont connues sous le nom de rapides. Il y a près de 4 mètres de contrebas. L'un d'eux, celui entre les mains duquel se trouve la mare ayant servi à hisser l'Indien, a escaladé le premier la barre. Il se tient sur un îlot granitique de 3 mètres de diamètre. À droite et à gauche, les eaux de la rivière se précipitent en cascades écumantes. La pirogue amarrée au bas de cette roche aussi au milieu du remous. Les vivres prennent le même chemin que le prisonnier. Barils de couac, caisses de biscuits, tonneaux de petits salés et de bacalhau, l'approvisionnement est abondant, sans oublier les armes, les munitions et les outils. C'est ensuite le tour des hommes. Puis les amarres de la pirogue sont doublées. Les 4 canotiers réunissent leurs efforts. L'embarcation, soulevée par le bras comme par un palan, s'élève lentement, et vient poser sa quille sur la petite plateforme encombrée de fusils de chasse, de piques, de pioches, de haches et de ballots de toutes sortes. L'Indien, allongé sur le roc nu, chauffé par le soleil, reste toujours immobile. On le croirait évanoui. N'était le léger mouvement de sa poitrine, n'était aussi le regard de haine farouche que dard de son œil noir un peu bridé aux tempes sur les 4 hommes quand ils ont le dos tourné. Il est tout jeune, 22 ans à peine, de taille moyenne, mais bien prisé. Il est simplement vêtu d'un calimbé et ne porte pas de ses ceintures au suc de génipa dont ses compatriotes ont l'habitude de barioler leur corps et leur face. Sa peau n'est même pas enduite de roucou. Elle est couleur café au lait et à peine aussi foncée que celle des inconnus qui le tiennent dans leur pouvoir. Ceux-ci sont des Européens. 3 sont en bras de chemise, leurs manches relevées au-dessus du coude et leurs pantalons retroussés jusqu'aux genoux laissent apercevoir des jambes sèches, couturées de cicatrices plus ou moins anciennes. Leur figure, maigre, pâlie, à l'expression dure et cruelle, sont abrités par des chapeaux à bord plat, en paille grossièrement tressée. Détail particulier, leur barbe longue à peine de 2 mois ajoute encore la dureté de leurs traits. Impossible de leur assigner un âge exact. Nul parmi eux ne semble pourtant avoir dépassé la trentaine. Le quatrième, celui qui semble le chef, a les épaules démesurément larges. Son torse d'athlète a comme un dandinement d'ours sur ses 2 jambes arquées, aux muscles énormes. Il est chaussé de ses souliers lacés, bas de quartier, appelés godillots en usage dans l'armée, coiffé d'une casquette blanche à couvre-nuque et vêtu d'une chemise de laine rouge. Une immense barbe noire, semée de fils blancs, lui couvre la face. C'est un homme d'environ 45 ans. Bien qu'il commande toutes les manœuvres et que les autres les exécutent sans observation, on voit qu'ils vivent sur un pied de parfaite égalité et que cette égalité est basée sur de mutuelles nécessités, de mutuelles espérances. Il n'est en outre nullement besoin d'avoir été témoin des traitements infâmes infligés aux jeunes Indiens pour comprendre que leur solidarité n'emprunte rien à l'accomplissement d'un devoir, mais qu'elle est produite par des appétits désordonnés dont la satisfaction peut être empruntée au crime lui-même. En somme, le jugement qu'un spectateur désintéressé eût porté de prime abord sur telle équipe se fut résumé dans ces 5 mots « la superbe collection de gredins ». Ils semblent d'ailleurs tout à fait à l'aise, en dépit du soleil qui darde sur la crique des rayons brûlants, et complètement adapté à ce climat sous lequel eût infailliblement succombé un Européen non acclimaté. La facilité avec laquelle ils ont accompli ces différentes manœuvres indique des hommes depuis longtemps habitués à des travaux de force. « Dis donc, chef, s'écrie familièrement l'un d'eux, si nous cassions une croûte, quand le canot sera paré. » Comme les figures des affamés trahissent une sorte de mécontentement, le chef reprend durement, non sans une légère pointe de narquoiserie. « Allons, mes agneaux, embarque les provisions et tout le bibelot. Vous savez bien que je mets la main à la pâte comme pas un, et que j'ai aussi un beaucoup de fourchettes. Eh bien, je vais comme toujours prêcher l'exemple. » Et joignant les faits à la parole, il saisit un baril de couac, pouvant peser 50 kilos, le dépose doucement, sans effort apparent, dans l'embarcation qui se balance mollement en amont de la barre. L'arrimage est l'affaire d'un quart d'heure. Les 4 hommes commencèrent alors leur frugal repas. Quelques poignées de couac, délayées dans un peu d'eau avec un morceau de petit salé cuit de la veille, composèrent tout le menu. Le jeune Peau-Rouge avait peu à peu repris connaissance, ou plutôt, il n'affectait plus cette immobilité plutôt simulée que réelle, depuis l'emploi du traitement révoltant infligé par un des aventuriers. Il absorbait lentement quelques maigres bouchées et semblait ne rien voir, ne rien entendre. Un cri bizarre, aigre, ressemblant au grincement d'une poulie mal graissée, mieux encore d'une roue de charrette adaptée à un essieu de bois, retentit sous la feuillée, non loin du rapide. Nul n'y fit attention pourtant, sauf l'Indien, dont l'oreille infaillible s'avait démêlée peut-être d'imperceptibles modulations dans cet appel bruyant, jovial, qui signa la présence du toucan appelé aussi gros bec par les créoles guyanais. Une fugitive expression de curiosité, d'espérance peut-être, anima pendant une seconde son visage, qui reprit aussitôt son masque de morne impassibilité. Puis, une voix pleine, sonore, bien timbrée, s'éleva, et les 4 notes, do, mi, sol, do, que l'on eût dit poussées par le larynx d'un baryton de l'opéra, vibrèrent longuement avec une incroyable justesse d'intonation. Le Peau-Rouge fit un brusque mouvement qui faillit le trahir. « Eh bien, qu'est-ce qui te prend, Kalina ?» fit brutalement l'homme à la longue barbe que les autres appelaient le chef. « Est-ce que la musique te fait mal au nerf ? C'est le toucan qui s'amuse, et l'honoré qui lui répond. « Il est vraiment curieux, avec ses 4 notes, cet oiseau. On parierait que c'est un homme. » La voix du toucan grinça de nouveau, « Do mi sol do », reprit l'honoré. Puis l'impénétrable forêt en entra dans le silence. « Drôle d'idée qu'ils ont de chanter ainsi en plein midi. Je n'ai jamais vu ça. Dis donc, chef, si c'était un signal, disait un des pagayeurs. Un signal de qui, imbécile? Adressé à qui? Est-ce que je sais, moi? Est-ce que nous ne correspondions pas de la même façon, là-bas? Est-ce que les imbéciles comme toi y voyaient quelque chose? » Les 2 autres, silencieux jusqu'alors, eurent un gros rire approbateur. « Qui te dit qu'il n'y a pas là, dans les herbes, sous la feuillée, derrière les arbres, quelques paires d'yeux grands ouverts sur nous? Est-ce bien sûr que ce cri de toucan, suivi du chant de l'honoré, n'est pas une signification qui nous échappe? C'est d'autant plus extraordinaire que, comme tu viens de le dire, il est midi. Les oiseaux, sauf le moqueur, ne chantent pas par ailleurs. J'ai beau écarquiller les yeux, je ne vois pas le toucan. Son cri a pourtant retenti assez près de nous. Le même phénomène, puisque cet incident futile en apparence semblait prendre les proportions d'un événement, se reproduisit, mais en sens inverse. Ce fut l'honoré qui commença et le toucan qui répondit aussitôt. Les quatre hommes dévisagèrent l'Indien, toujours muet et impassible. « Si je savais, » gronda le chef, « que cet appel s'adresse à lui, je le bâillonnerais d'une paire de gifles. »« Tu serais bien plus avancé. Ce ne serait pas le moyen de le faire parler. Ces animaux-là, c'est plus entêté que des bourriques. Quand une fois ça a mis quelque chose dans sa cervelle, du diable si on peut l'en déloger. Laisse faire, je m'en charge. Nous sommes bientôt arrivés à notre but. Ou plutôt, nous touchons au moment où il nous sera impossible de nous diriger. Lui seul connaît la route, et s'il ne veut rien dire... Quand je devrais lui griller les jambes jusqu'au ventre et les bras jusqu'aux épaules, il nous conduira. À la bonne heure, voilà qui est parlé. Tu as entendu, Kalina ? » L'Indien ne fit même pas l'aumône d'un regard. « Allons, en route !» reprit d'une voix rude le chef. Les quatre hommes reprirent leur place dans l'embarcation, placèrent l'Indien toujours garrotté au centre et se mirent à pagayer vigoureusement. La crique, resserrée à la hauteur de la barre, allait s'élargissant graduellement. « Côtoyons la rive gauche, » dit le chef. « N'apercevez-vous pas une montagne là-bas, où cette tache sombre n'est-elle qu'un nuage ? C'est une montagne. Bon, je gouverne dessus, je crois que nous approchons. » Pour la quatrième fois, le cri du toucan retentit, mais avec une telle intensité que les quatre hommes relevèrent simultanément la tête, comme si l'oiseau se fût tenu à quelques mètres au-dessus d'eux. Le chef étouffa un juron, saisit son fusil et l'arma précipitamment. La pirogue rasait la berge. On entendit comme un imperceptible bruit de branches froissées, auquel succéda soudain une détonation. Le patron du canot avait fait feu au jugé, à travers les broussailles, à hauteur d'homme. Les feuilles tombèrent hachées par le plomb, mais le toucan ne poussa pas ce cri effarouché qui lui est habituel quand il est surpris. « Tu avais raison, c'est un signal. Le proverbe dit qu'un homme averti en vaut deux. Nous en valons bien huit à nous quatre. Je crois qu'avant peu, nous allons avoir à batailler. Je vais continuer à raser la côte, puis nous allons atterrir sur un point favorable. » Ce plan, qu'on nous dit d'exécution si facile, ne put être mis à exécution. L'homme avait à peine déposé dans le canot son fusil encore fumant et repris sa pagaie, qu'un arbre immense, complètement desséché, paraissant mort depuis longtemps, mais maintenu de tous côtés par des lianes, oscilla violemment, puis s'abattit avec un fracas terrible dans les eaux qui rejaillirent en poussière irisée. Fort heureusement, pour les aventuriers, cette chute avait eu lieu à près de 100 mètres en avant de l'embarcation. 5 minutes plus tard, elle était broyée net. Il leur fallut prendre du large et passer en frôlant l'autre rive pour éviter cette barricade qui venait de s'interposer si malencontreusement. « Sacrebleu, nous venons de l'échapper belle. Si ce wakapo était plus long de 2 mètres, je me demande comment nous passerions. Allons, voilà qui est fait. Nous allons reprendre notre route et tâcher de trouver un point favorable au débarquement. » « Surtout, ouvre l'œil pour éviter la chute de ces arbres morts qui s'élèvent encore çà et là sur la berge. »« Tu ne voudrais pas que ça recommence ?»« C'est bon, une fois et d'ailleurs, ils n'attendent pas notre passage pour nous tomber dessus. »« 1 000 millions de tonnerres !» hurla le chef. 3 autres imprécations retentirent en même temps, poussées par les canotiers terrifiés à la vue d'un phénomène absolument inusité. « Du calme où nous sommes perdus, nage ferme, à la côte, veille à l'Indien !» Ses cris et ses commandements furent couverts par un bruit formidable. Un pan tout entier de forêt sembla s'écrouler soudain. 5 ou 6 géants végétaux éloignés l'un de l'autre de 20 à 25 mètres, desséchés comme celui qui venait de tomber, avaient comme lui tout à l'heure oscillé. Il semblait qu'une invisible main venait tout à coup de les couper. Une série de craquements sonores se fit entendre, les colosses s'inclinèrent lentement d'abord du côté de la rivière, soutenus encore par leurs chevelures de lianes inextricablement enlacées à leurs voisins. Les amarres, tendues à éclater, tinrent bon. Les arbres vivants, entraînés, déracinés par les morts, s'inclinèrent à leur tour et s'effondrèrent avec un fracas dont rien ne saurait égaler l'intensité. Puis, la trompe de verdure roula dans la crique, dont les eaux disparurent sous un indescriptible pêle-mêle de branches, de feuilles et de fleurs. Pâles, stupides d'épouvante, les quatre hommes se taisaient, affolés par ce phénomène inexplicable et terrifiant. c'est à peine s'il pensait à maintenir en équilibre la pirogue qui dansait follement sur les vagues produites par cette subite dislocation de la couche liquide. Devait-il attribuer à une cause purement accidentelle ce cataclysme dans lequel il pouvait être anéanti? N'y avait-il que l'inconsciente révolte de cette terre encore mystérieuse, aux futaies inexplorées, contre l'invasion de ces infiniment petits qui osaient arracher son voile de vierge? Quels titans eussent pu d'ailleurs culbuter ainsi ces arbres plusieurs fois centenaires et les fracasser comme les bâts d'un navire emporté par l'ouragan? Le lit de la crique était complètement obstrué. Les quatre aventuriers ne pouvaient ni remonter le courant, ni aborder où ils en avaient d'abord l'intention. Ils tentèrent vainement de toucher à la rive opposée, une savane noyée, repère insondable de couleuvres géantes et d'anguilles tremblantes, s'étendait à perte de vue. Le seul plan praticable était de s'ouvrir un chemin à travers ses branches et ses troncs broyés. Il fallait jouer de la hache, de la scie et du sabre d'abattu pour pratiquer un chenal, travail écrasant qui nécessiterait au moins 3 ou 4 jours. Inutile de dire qu'ils ne pensaient pas à reculer. Ces gredins avaient des ténacités d'honnêtes gens. Ils avaient des vivres en abondance pour plusieurs mois et ne prétendaient pas s'arrêter aux incidents de la première heure. Le remous des flots était à peine apaisé, que leur décision était prise, leur plan tracé. « Eh bien, chef, qu'est-ce que tu dis de ça ?»« Je dis que je n'y comprends rien. »« Prétendras-tu encore que ces cris d'oiseau ne signifient rien ?»« C'est bien possible, après tout. » »« Pourtant, s'il y avait dans le bois une troupe de porcs rouges, il est à supposer qu'au lieu de s'amuser à couper ces arbres pour barrer la crique, il nous aurait simplement envoyé à chacun une bonne flèche de 2 mètres de long à travers les côtelettes. » Nous étions si près du rivage et ils sont si sûrs de leur coup. C'est à n'y rien comprendre, d'autant plus que ces arbres morts devaient être depuis longtemps coupés sur pied. C'est peut-être la première ligne de fortification défendant le pays de l'or. Nous la franchirons, elle et les autres, continua le chef d'un ton bref. Maintenant, à l'ouvrage. Dis donc, chef, une idée. Nous ne pouvons raisonnablement camper dans la pirogue. D'autre part, il nous est impossible d'accrocher nos hamacs aux arbres qui bordent la savane. Si nous redescendions à la barre, nous pourrions décharger les provisions sur la roche et élever un patawa. Ton idée est parfaite, mon fils, et nous allons la mettre à exécution. Nous installerons bien gentiment dans un hamac ce brave porc rouge, que nous amarrerons solidement pour lui enlever toute idée de fuite. Nous savrons ensuite à travers ce fouillis, et alors, au petit bonheur. La pirogue ralliait les roches, puis 2 des canotiers gagnèrent la rive, abattirent rapidement 3 arbres de la grosseur de la jambe et les ébranchèrent, pendant que leurs compagnons s'empressaient de décharger de nouveau la cargaison. Ces 2 opérations furent achevées en même temps. Les 3 arbres furent apportés sur le rocher, on les amarra solidement au sommet, puis 3 hommes en saisirent chacun un et dressèrent simultanément d'un mouvement rapide en les écartant à la base, de façon à former un triangle isocèle d'environ 3,50 m de côté. L'appareil resta debout tout naturellement, et 3 hamacs en occupèrent bientôt les 3 côtés. Cette installation si simple, si commode, et d'un usage fréquent chez les Noirs et les peaux rouges de la région équinoxiale, se nomme patawa. Le patawa rend de grands services en ce qu'il procure un coucher parfait dans les lieux humides et dépourvus d'arbres, car en Guyane, il est impossible de reposer sur la terre, sous peine d'être exposé aux désagréables et souvent dangereuses visites des hôtes de la forêt. Scorpions, mille pattes, araignées crabes, fourmis, etc. Le chef, après avoir minutieusement examiné les entraves de l'Indien prisonnier, le déposa comme un enfant dans un hamac. Comme le soleil dardait sur cet étroit espace à des rayons brûlants contre lesquels rien ne le défendait, l'aventurier coupa quelques larges feuilles de barlou roux, les attacha ensemble, en fit une sorte d'écran qu'il étala au-dessus de sa tête. Le malheureux n'avait de cette façon rien à redouter de l'insolation. « Une ombrelle !»« Une ombrelle à cet enfant !» ricana le misérable. « Je suis un père pour toi, n'est-ce pas, un vrai père ?»« Ne t'imagine pas que c'est pour tes beaux yeux. Bah, mon cher Rubin, si tu ne représentais pas pour nous un capital et un sérieux. » « Il y a beau temps que je t'aurais envoyé chez Gadou, le bon dieu des bons hommes noirs et rouges. » « Au revoir et porte-toi bien. Moi, je m'en vais bûcher. N'oublie pas surtout que j'ai l'œil sur toi. » Les 4 coquins remontèrent incontinent vers le barrage végétal qu'ils attaquèrent avec une sorte d'énergie farouche à grands coups de sabre et de hache. La besogne était rude et avançait bien lentement. Mais en somme, leur peine n'était pas perdue. Il pouvait même prévoir qu'après 48 heures d'efforts, il sortirait de cette impasse. Ainsi, quand le soleil déclina, ils revinrent au patois en chantant gaiement comme de braves ouvriers auxquels le labeur du jour a été agréable. La dernière note du joyeux refrain se perdit dans un hurlement de rage à la vue du hamac vide. Le pot rouge, si bien ficelé par le chef, avait brisé ses liens, il avait disparu. Il n'y avait pourtant rien de mystérieux dans cette absence, bien qu'elle semblât le résultat d'un véritable escamotage. Le jeune Indien, voyant ses bourreaux occupés à se frayer une route, songea à profiter de ce premier moment de répit. Il se mit incontinent à ronger les cordes qui enserraient ses poignets. Ses dents blanches, aiguës comme celles d'un pack, travaillèrent tant et si bien qu'après une heure d'effort surhumain, il avait pu couper la dure tresse de Pitor. La première partie de la besogne était achevée. C'était malheureusement celle qui offrait le moins de difficultés. Il fallait maintenant se débarrasser non seulement des entraves qui bleuissaient ses jarrets, mais encore ses genoux. Il était aussi industrieux que brave et possédait au suprême degré cette inaltérable patience qui, trop souvent chez les siens, dégénère en apathie. Il portait un petit collier en dents de pâtira. De ses dents pointues à arêtes tranchantes avec lesquelles ces animaux fouillent à d'incroyables profondeurs et coupent des racines énormes. Il cassa le fil d'aloès qui les traversait à la base, en saisit une et se mit incontinent à scier, ou plutôt à user fil par fil les brins de Pitor. De temps en temps, il lançait à la dérobée, à travers les tresses du hamac, un regard à ses bourreaux toujours occupés à leur travail de sape. Ceux-ci, de leur côté, avaient à chaque instant l'œil ouvert sur lui, mais il sut si bien, tout en activant l'œuvre de sa libération, conserver une apparente immobilité, qu'ils ne se doutèrent de rien. Il touchait enfin au moment suprême. Ses jambes étaient dégagées, il s'allongea voluptueusement dans le hamac, se reposa près d'un quart d'heure, frotta doucement ses membres endoloris pour leur rendre l'élasticité, puis, profitant d'un moment où les quatre hommes avaient le dos tourné, il s'accroupit au bord du hamac, bondit sur le roc et se précipita la tête la première du haut de la barre au beau milieu du rapide. Après avoir franchi, sans remonter à la surface de l'eau, l'espace qui le séparait du rivage, 25 mètres environ, il prit pied au milieu des héliconas aux fleurs de pourpre et disparut dans l'épaisse forêt. La fureur des aventuriers ne connut plus de bornes. Bien que la poursuite fût une chose folle, impraticable, ils la tentèrent. À droite et à gauche de la crique s'étendaient des savanes noyées. Le terrain solide, qui donnait accès à la forêt, n'avait pas plus de 150 mètres de large et formait comme une chaussée entre les deux savanes. C'est sur cette partie, bordant la rivière, que les arbres, culbutés par une force mystérieuse, venaient de s'abattre. Le chef et trois hommes s'élancèrent sur les troncs aux trois quarts submergés et tentèrent d'aborder pendant que le quatrième restait à la garde des provisions. Ils étaient prêts de toucher terre quand un sifflement aigu retentit, aussitôt suivi d'un cri d'angoisse et de douleur poussé par celui qui se trouvait le premier. Une longue flèche à hampe de générium, empennée de noir et partie du fourré, venait de lui traverser la cuisse de part en part. En dépit de l'atroce douleur qui le terrassait, le blessé essaya, mais vainement, de l'arracher. « Laisse, » dit le chef, « puisqu'elle a traversé, je vais casser la pointe de l'autre côté. » L'opération fut bientôt accomplie, et l'aventurier regardait curieusement cette pointe longue de près de 5 centimètres, barbelée d'un côté, et qui, malgré le sang qui la rougissait, lançait de fauves reflets. Il l'essuya machinalement sur sa manche. « Mais c'est de l'or !» s'écria-t-il stupéfait. Depuis la découverte du Nouveau Monde, une fièvre ardente s'était emparée de l'Europe entière aux récits merveilleux des premiers navigateurs. Après l'illustre Colomb, 1492, et ses intrépides successeurs, Jean et Sébastien Cabot, 1497-98, Amérique Vespucci, 1499, Vincent Pinson, 1500, qui furent eux du moins des conquérants pacifiques, la troupe des aventuriers se rua sur cette terre opulente comme une bande de vautours à la curée. Sans parler des Fernand Cortés, 1519, ou des François Pizarre, 1531, aventuriers de large envergure, et qui savaient faire grand en opérant leur conquête, c'est-à-dire en ravageant le premier le Mexique, le second le Pérou, pour la plus grande gloire et le meilleur profit de leur royal maître, arrivons d'emblée à ceux qui, les premiers, explorèrent la partie est de l'Amérique équatoriale. François Pizarre avait péri en 1541, assassiné à Cusco. Un de ses lieutenants, Orellana, rêvant des pays plus riches encore, et où l'or devait être aussi commun que chez nous les métaux les plus vulgaires, descendit l'Amazone jusqu'à son embouchure et fouilla la côte depuis l'Équateur jusqu'à l'Orénoque. Orellana fut-il de bonne foi? Prit-il pour une réalité sa chimère longtemps caressée? Entrevit-il un coin de cette terre fortunée dont sa relation trace un tableau si enchanteur? Toujours est-il que vers l'an 1548, le mot magique d'El Dorado sonnait dans toutes les bouches comme une opulente onomatopée. En traversant les mers, en volant de bouche en bouche, le récit s'altéra, se grossit. Le point géographique du paradis de l'or subit en outre de nombreuses et souvent considérables variations. S'agissait-il de la Guyane ou de la Nouvelle-Grenade, alors si peu connue? On chercha à travers les solitudes immenses. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, la région équatoriale fut fouillée par les assoiffés d'or dont les cadavres jonchèrent la terre. De déception en déception, on tomba enfin d'accord. C'est dans la Guyane que se trouvait l'Eldorado, le fabuleux trésor des fils du soleil. On précisa, et quelques-uns s'en allèrent jusqu'à dire qu'après la chute des Incas, le plus jeune frère d'Atabalepa s'empara des trésors et descendit jusqu'à l'Amazone, non loin des sources de l'Oyapoc. Ce monarque de l'or s'appela le grand Païlité, le grand Moxo, le grand Parou. On prétendit l'avoir vu. Walter Raleigh, le favori d'Élisabeth, entre autres, poussé sans doute par des motifs personnels ou même d'un ordre plus élevé, attesta à la reine d'Angleterre la réalité de ses fables. L'Espagnol Martinez alla plus loin. Il déclara avoir passé 7 mois à Manou, la capitale de ce royaume imaginaire. La description qu'il en donne est trop extraordinaire pour ne pas en fournir un extrait. La ville est immense, la population innombrable. La rue des Orfèvres ne compte pas moins de 3000 ouvriers. Le palais de l'empereur, construit en marbre blanc, se dresse dans une île verdoyante et se réfléchit dans un lac aux eaux plus transparentes que le cristal. 3 montagnes l'environnent, l'une en or massif, la seconde en argent, la troisième en sel. Il est supporté sur des colonnes d'albâtre et de porphyre et entouré de galeries d'ébène et de cèdres aux innombrables incrustations de pierreries. 2 tours en gardent l'entrée. Elles sont appuyées chacune sur une colonne de 25 pieds et surmontées d'immenses lunes d'argent. 2 lions vivants sont attachés au fût par des chaînes d'or. Au milieu se trouve une grande cour carrée, ornée de fontaines aux vasques d'argent et dans lesquelles l'eau s'écoule par 4 tuyaux d'or. Une petite porte de cuivre, pourquoi seulement de cuivre, creusée dans le roc, cachait l'intérieur du palais dont les splendeurs dépassent toute description. Le maître s'appelle Eldorado, mot à mot, le doré, à cause de la splendeur de son costume. Son corps nu était chaque matin frotté d'une gomme précieuse, puis enduit d'or jusqu'à ce qu'il présentât l'aspect d'une statue d'or, etc., etc. Sans nous arrêter plus longtemps à ces puérilités, expliquons en 2 mots ce qui, d'après Humboldt, a pu donner lieu à cette dernière fable. On sait que dans la Guyane, la peinture remplace le tatouage. Les Indiens de certaines tribus, aujourd'hui décimés par l'alcool, ont conservé l'habitude de soindre de graisse de tortue, puis ils se couvrent de paillettes de mica, dont l'éclat métallique a les miroitements de l'or et de l'argent. Cette parure élémentaire semble effectivement les habiller de vêtements tissés en fil d'or et d'argent. Quel que soit le motif qui les fait agir, Walter Raleigh, fatigué des réalités moroses du vieux monde, n'hésita pas à poursuivre sa chimère au-delà de l'océan immense et partit en 1595 à la conquête de l'idéal rêvé. De 1595 à 1597, il ne fit pas moins de 4 voyages et fouilla, mais inutilement, tous les recoins encore inexplorés. L'Eldorado fuyait toujours devant lui. Plus de 20 expéditions tentées dans le même but n'eurent pas plus de succès, et pour cause. Enfin, quelque incroyable que paraisse le fait, la dernière fut sérieusement organisée en 1775, tant était robuste la foi en cette région imaginaire. Bien que fertile en déboire, la fiction d'Eldorado fut féconde en résultats, comme la recherche de la pierre philosophale. Elle permit de connaître la Guyane et ses véritables richesses. C'est ainsi qu'en 1604, quelques Français, sous la conduite de la Rivardière, se fixèrent dans l'île de Cayenne. Chose étonnante et pourtant admissible, la légende d'Eldorado s'est perpétuée chez les Indiens de la Guyane française, entre autres, avec une incroyable intensité. Cette tradition a-t-elle pris naissance grâce aux récits des explorateurs européens? A-t-elle pris cette consistance à la suite des recherches acharnées qui en furent la conséquence? Les Indiens avaient-ils rêvé d'Eldorado avant leurs conquérants? C'est ce que nul ne saura jamais. Mais si le fabuleux trésor des Incas n'était pas, ne pouvait pas se trouver en Guyane, il n'en était pas moins vrai que les colonies guyanaises, touchant au Brésil, au Pérou, au Venezuela, devaient, comme ces contrées, renfermer des mines d'or. C'est dans l'espoir de découvrir des gisements que les Anglais et les Hollandais s'emparèrent de la Guyane au XVIIe siècle. Le fait est constaté par une correspondance déposée aux archives du gouvernement. En 1725, un moine portugais du pays des mines de Brésil vint s'offrir aux autorités de Cayenne, leur promettant de trouver les terres aurifères, mais il fut éconduit. Enfin, bizarrerie plus étonnante encore peut-être que l'aveugle crédulité des rêveurs d'Eldorado, les descendants de ces derniers ne voulurent plus entendre parler d'or. On trouvait partout de l'or dans la Guyane française, et on y a même l'évidence. À l'excessive crédulité succéda l'extrême scepticisme. En 1848, la question de l'or eut comme un regain d'actualité. Le gouverneur de la Guyane, M. Parizet, contrôleur en chef de la marine, se trouvait en inspection au bourg de Mana. On lui amena un Indien de l'Oyapock qui était venu se fixer depuis quelques années à Mana. C'était un homme actif, intelligent. Il était devenu le chef du village indien. On disait qu'il connaissait un gisement aurifère très riche. Le gouverneur l'interrogea. Le rusé Peau-Rouge, flairant une bombance de tafia, ne voulut rien dire tout d'abord. Mais sa discrétion ne put tenir devant une bouteille qu'il absorba délibérément. Après de nombreuses circonlocutions et de multiples réticences, il finit par dire « Oui, je connais le secret de l'or ». Puis, regrettant tout aussitôt ce premier aveu, il essaya bien vite de le démentir malgré son ivresse. « Tu m'as menti !» dit alors le gouverneur avec une feinte colère. « Il n'y a pas d'or, et s'il en existe, tu ne sais pas où il est. » L'Indien, piqué au jeu, riposta. « Ah, tu as dit que j'ai menti? Eh bien, attends-moi ici 7 jours et tu verras. » Puis il partit au milieu de la nuit. Le gouverneur patienta une semaine entière. Le chef ne revenait pas. Il resta 24 heures de plus. De guerre lasse, il était déjà remonté sur la goélette qui devait le ramener à Cayenne quand le canot fut signalé. Le Peau-Rouge descendit de sa pirogue, grave, impassible, et s'avança vers M. Parizet. Puis, sans mot dire, il décrocha son calimbé attaché par une liane à sa ceinture. Un petit paquet enveloppé d'une feuille tomba avec un bruit mat sur le pont du bâtiment. C'était une pépite d'or absolument pure et pouvant peser 25 à 30 grammes. À toutes les questions que lui posa le gouverneur relativement à sa découverte, l'Indien répondit ces simples mots. « Tu as dit que j'étais un menteur. Jamais je ne te révélerai le secret de l'or. » Les promesses les plus brillantes ne purent le fléchir. Il se retira sans ajouter une parole. La question fut encore une fois enterrée jusqu'en 1851, époque où un Indien portugais nommé Manuel Vicente, qui connaissait M. Lagrange, commissaire commandant du quartier d'Aprague, vint lui affirmer un jour qu'il y avait de l'or dans le haut de la rivière. Il avait travaillé aux mines du Brésil, et il avait fabriqué avec du bâche des instruments propres à l'exploitation et analogues à ceux dont on se sert dans son pays. Il priait M. Lagrange d'en faire construire de pareils et de traiter sans plus tarder les alluvions. M. Lagrange parla de cette révélation à deux propriétaires d'Aprouague, Messieurs Couy et Hurst leur père. Ceux-ci lui dirent que l'Indien n'avait d'autre but que d'exploiter sa crédulité, et la déclaration de Vicente demeura sans résultat. À la fin de l'année 1854, le même Manuel Vicente partit au Brésil. Il vit M. de Jardin à qui il renouvela la confidence, faite 3 années auparavant à M. Lagrange. M. de Jardin fréta aussitôt une goélette montée par 6 hommes, parmi lesquels l'Indien Paolin, réputé comme un excellent chercheur d'or. Il débarqua à Prouague, vit M. Couy à son habitation de la ressource, et lui cacha le but de son voyage. Il partit bientôt pour le haut de la rivière et s'installa en plein pays perdu, dans le carbet de l'Indien portugais Juan Patawa, beau-père de Manuel Vicente. M. de Jardin trouva de l'or. Malheureusement, il fut atteint de la dysenterie au bout de quelques jours, et il dut rester couché près de 2-3 semaines. Quand il put se lever, son premier soin fut d'aller à son bateau. Il constata avec désespoir que toutes ses provisions et ses marchandises avaient été volées. Il fallait revenir au plus vite sous peine de mourir de faim. Ses hommes lui ayant dit que le coupable était Paoline, il s'embarqua pour retourner aux provisions, abandonna le voleur et partit en emportant son secret. Sa santé ne lui permettant pas de revenir continuer l'exploitation, il dut rester au Brésil pendant plus de 6 mois. Si l'auteur insiste de la sorte sur tous ces détails, c'est qu'ils ont une grande importance, tant au point de vue historique qu'au point de vue philosophique. L'histoire de la découverte de l'or dans notre colonie est à peine connue, et nul ne l'a encore écrite depuis 1848 jusqu'à nos jours. Quant à la morale qu'on peut en tirer, toutes ces fins de non-recevoir opposées il y a 30 ans et moins aux plus formelles affirmations, aux plus évidentes certitudes, ne sont-elles pas étranges comparées à la furie des recherches opérées jadis, alors que la découverte du précieux métal n'existait qu'à l'état d'irréalisable utopie? Nous touchons au dénouement. En 1855, le même Paoline s'adjoignit l'Indien portugais Théodose, Nicolas son beau-père, et sa sœur, la femme de ce dernier. Ils remontèrent la Prouague jusqu'à un affluent nommé l'Arataï et lavèrent les terres à l'endroit appelé Aïkoupaï. Ils trouvèrent quelques grammes d'or, revinrent à Cayenne et montrèrent leurs échantillons à M. Chaton, consul brésilien. L'analyse démontra que c'était bien de l'or. M. Chaton douta pourtant encore, mais M. Couy, averti de cet événement, se rappela les confidences faites antérieurement par M. Lagrange. Il fit un rapport à M. Fayard, directeur de l'Intérieur, obtint un subside de 3000 francs, partit avec 17 hommes et 3 canots, nomma chef de l'expédition M. l'ouvrier Saint-Marie, et le 12 avril 1856, la troupe arrivait à 5 heures du soir à Aïkoupaï. Le lendemain matin, Paoline se mettait à l'œuvre, elle avait plusieurs bâtés contenant de la poudre d'or. Le chef de l'expédition essaya de l'imiter, en dépit des protestations de l'Indien qui, appréhendant son inexpérience, lui disait « Laissez ça, l'or l'y partit marron. » À 8 heures du matin, les premiers grains d'or recueillis pour la première fois en Guyane par un Français se trouvaient au fond de la bâtée de M. l'ouvrier Saint-Marie. La Guyane française n'avait plus rien à envier à la Californie et à l'Australie. La découverte de l'or en Guyane passa presque inaperçue. L'ancien monde ne ressentit aucun de ces tressaillements qui l'agitèrent quand il apprit que les fleuves de la Californie et de l'Australie charriaient le précieux métal. La fièvre de l'or fut inconnue dans notre colonie, qui végéta comme par le passé. On laissa dormir les opulents gisements de la région équinoxiale. La métropole ne fit rien pour tirer parti de ces richesses, dont la majorité du public en France ignora et ignore encore même aujourd'hui l'existence. Les premiers concessionnaires de terrain exploitèrent bien modestement leurs placeurs, trop heureux quand la production atteignait un maximum de quelques kilos d'or par mois. L'apathie de tous fut telle que cette production totale n'était que de 132 kilos pour l'année 1863. En 1872, elle monta à 725 kilos et enfin, grâce aux ressources de l'industrie privée, elle atteignit en 1880 le chiffre officiel de 1800 kilos. Comme l'or doit payer à la sortie de la colonie un droit de 8%, la contrebande est très active. Il convient en conséquence d'augmenter d'un quart ce chiffre relevé au budget des recettes de la colonie, soit 2250 kilos d'or, représentant la somme brute de 6 750 000 francs. Un mot encore avant de reprendre notre récit. L'or recueilli en Guyane est l'or alluvionnaire, provenant des lavages. Les filons, nombreux et très riches, ne sont pas encore exploités en 1881. En l'an 1860 et quelques, époque où se passe le drame au prologue duquel nous venons d'assister, l'exploitation était limitée aux rivières d'Aprouague, de Sinamari et de Mana. Le bassin du Maroni n'avait pas encore été exploré. On racontait tout naturellement des choses merveilleuses relativement à sa fécondité. L'Eldorado semblait s'être déplacé. De vagues rumeurs circulaient dans le public. Un événement imprévu vint bientôt leur donner plus de consistance. 22 ans auparavant, le docteur V, résident au bourg de Mana, rencontra au bord de la rivière un Indien tenant entre ses bras un enfant moribond. Il s'approcha et demanda à l'Indien où il allait. « Je vais, répondit-il, jeter à l'eau cet enfant qui m'embarrasse. » Et comme le docteur se récriait, l'Indien reprit. « Sa mère vient de mourir. Je n'ai pas de lait à lui donner, moi. Que veux-tu que j'en fasse ?»« Il vaut bien mieux lui attacher une pierre au cou. Les Aymara lui enlèveront les soucis de la vie. « Veux-tu me le donner ? Je l'élèverai. »« Tiens. » Le peau rouge disparut. Le docteur confia l'enfant à une négresse. Il grandit. Son père adoptif l'instruisit autant que le permit la nature du petit sauvage. 15 ans après, son père revint, le réclama et l'emmena. Le jeune homme qui adorait son bienfaiteur, mais que le mystérieux besoin de la vie nomade sollicitait depuis longtemps, ne passait jamais plus de 3 mois sans revenir à Mana. Il atteignit l'âge de 20 ans et épousa la fille du chef de sa tribu qui passait aussi pour connaître le secret de l'or. Le docteur V quitta sur ses entrefaites le bourg de Mana et vint se fixer à Saint-Laurent. Jacques, c'est le nom qu'il avait donné à son fils d'adoption, désirant prouver sa reconnaissance à son bienfaiteur, lui avoua, au cours de sa dernière visite, en 1860 et quelques, qu'il connaissait enfin lui aussi ce fameux secret de l'or. Le docteur accueillit avec réserve cette confidence et voulut, avant d'avoir des détails, en conférer avec son ami le commandant du pénitencier. Il amena un soir Jacques avec lui, mais le jeune homme, comme jadis l'Indien de M. Pariset, chercha à se rétracter. Le commandant le traita de menteur et le mit au défi de rapporter une parcelle d'or. Alors Jacques, honteux de voir suspecter sa véracité, s'écria « Non, je n'ai pas menti. Vous savez, commandant, quelle vénération j'ai pour mon père adoptif. Eh bien, je vous le jure sur sa tête, avant un mois. Je veux vous conduire là-bas, où se trouve l'or. » Termina-t-il d'une voix devenue tout à coup tremblante. « Que crains-tu donc, mon enfant ?» demanda affectueusement le docteur. « C'est que vois-tu, père ? Mon amour pour toi me rend perjure. J'ai révélé le secret de l'or. Le secret de l'or est mortel. Il tue ceux qui le révèlent. Le diable me fera mourir. » Sa voix, devenue rauque, ses yeux égarés, ses traits crispés, tout indiquait qu'un violent combat se livrait en lui. Il reprit peu après, plus calme. « Tu m'as sauvé, tout petit. » Ma vie t'appartient, ô mon père, et d'ailleurs, je n'irai pas jusque-là. Tu iras, toi, avec le commandant. Le diable des Peaux-Rouges a peur des Blancs. Nous partirons dans un mois. Tu emporteras des pioches, des marteaux. Des marteaux, et pourquoi? C'est que l'or n'est pas dans la terre, comme celui d'Ayukupai et de Sinamari. Il est dans la roche. Dans la roche? S'écrièrent surpris le docteur et le commandant. « Mais on n'a pas découvert jusqu'à présent un seul filon en Guyane. »« Je ne sais pas ce que vous appelez un filon, mais il y a des roches blanchâtres, veinées de bleu, dans lesquelles on trouve de gros grains d'or. Il y a aussi des roches noires, les morceaux d'or reluisent là-dedans comme des yeux de tigre. Il y a une grande caverne, pleine de bruit. On y entend toujours le tonnerre, on ne voit jamais les éclairs. C'est là que demeure le diable qui tue celui qui révèle le secret de l'or. Et il y en a beaucoup. As-tu pu en recueillir ? Quand je t'y aurai conduit, tu pourras, avec l'or que tu ramasseras, mettre des cercles d'or aux roues de ta voiture, donner des sabres et des fusils en or aux soldats, manger dans la vaisselle d'or, tu pourras convertir en or tout ce qui est en fer. » Les deux Européens écoutaient en souriant ce récit enthousiaste, où l'emphase côtoyait par moments la vérité. « Et quelle direction prendrons-nous pour arriver là-bas ? Je te le dirai à mon retour. Tu vas donc nous quitter ? Je pars cette nuit. Je veux revoir encore une fois ma femme. Elle est avec son père et ma famille près de la caverne du démon de l'or. J'ai peur pour elle. Je la ramènerai ici. » Le voyage est-il bien long? Le jeune Peau-Rouge réfléchit un moment. Il tirait ensuite de son calimbé plusieurs petits morceaux de bois d'inégale longueur. Il en avait 6 de même dimension. Il compta. 6 journées de canotage sur le Maroni. Il en prit 2, un peu plus courts, et ajouta 2 journées dans la crique. Il en restait 3, longs à peine comme le doigt, il les aligna près des autres en disant « 3 journées de marche dans la forêt. » Puis on trouve 7 montagnes, ce sont les montagnes de l'or. « Adieu, » dit-il sans autre préambule, « je reviendrai dans un mois avec ma femme. »« Attends-moi le jour, il fait nuit noire. » Jacques sourit. « L'œil du Peau-Rouge perce les ténèbres. Il ne craint pas la nuit. Le jour est traître, la nuit est discrète. Nul ne pourra suivre ma trace. Adieu. » Au revoir, mon enfant. » « Et à bientôt, » dit le docteur en l'embrassant. Le commandant l'accompagna jusqu'à la guérite du factionnaire qui ne l'eût pas laissé passer sans le mot de ralliement. Puis il disparut dans les ténèbres. La vaste demeure du commandant du pénitencier était déserte. La retraite était sonnée depuis longtemps. Les forçats dormaient au camp, sous la garde des surveillants, du poste d'infanterie de marine et des factionnaires échelonnés, l'arme chargée. En dépit de ces précautions minutieuses, des rondes et des appels, cette conversation que les deux amis étaient autorisés à regarder comme secrète avait eu un auditeur. Tapi au milieu d'un splendide bouquet d'ixora et de rosiers de Chine, un homme, dont nul n'eût pu soupçonner la présence, avait avidement écouté les propos échangés entre les deux blancs et l'Indien. Quand ce dernier sortit accompagné du commandant, le rôdeur profita du moment où s'échangeait le mot de ralliement pour quitter sa cachette et se glisser en rampant, sans faire plus de bruit qu'un félin à la chasse, hors de l'habitation. Puis, il bondit sur ses pieds nus, passa précipitamment derrière l'avenue de manguiers conduisant au fleuve, distant d'environ 400 mètres. Il courait à perdre haleine, et put dépasser de beaucoup l'Indien qui devait suivre nécessairement ce chemin pour se rendre aux dégrades où se trouvait son canot. Arrivé aux deux tiers à peu près de l'avenue, il s'arrêta soudain et sifflota doucement entre ses dents. À ce signal, que l'oreille exercée d'un sauvage eût pu percevoir à peine à quelques mètres, deux hommes également pieds nus, cachés derrière les manguiers, se détachèrent silencieusement. « Attention » murmura-t-il d'une voix étouffée. « Le voici. Crochons-le sans bruit. Il y va de notre vie. » L'Indien avait dit « Le regard du Port-Rouge perce les ténèbres, le jour est traître, la nuit est discrète. » Les paroles du pauvre enfant allaient bientôt recevoir un cruel démenti. Ses yeux, encore éblouis par la lumière, n'avaient pas eu le temps de s'habituer à l'obscurité. En pleine forêt, où le danger multiplie ses formes et augmente sa fréquence, il n'eût pas été pris au dépourvu. Mais pouvait-il soupçonner une embûche en plein pays civilisé au milieu d'un pareil déploiement de force? Aussi ne put-il même pas pousser un cri quand une main de fer, s'abattant à l'improviste sur lui, l'étreignit à la gorge et étouffa jusqu'à son râle. En moins de temps qu'il n'en faut pour le raconter, il était bâillonné, garrotté et ficelé au point que tout mouvement lui fut impossible. Un des ravisseurs le chargea sur son épaule et tous trois, fuyant comme des ombres, enfilèrent en courant le sentier qui remonte le cours du Maroni et se perd dans les bois, près de la crique balétée. Certains de n'être pas poursuivis, ce rapt avait été opéré avec tant d'audace et d'habileté. Ils ralentirent leur course et arrivèrent bientôt à l'embouchure de la crique sans avoir prononcé une parole. « Le canot ?» demanda à voix basse l'homme qui portait l'Indien. « Le voici, » répondit laconiquement un des deux autres, en allant sur une liane qui servait d'amarre. La coque noire d'une pirogue émergea des plantes aquatiques, une de ses pointes, recourbée comme celle des gondoles, dépassa la rive de quelques centimètres. L'Indien, inerte comme un cadavre, fut déposé au milieu du léger esquif. « Embarque, vous autres, au pagaie, séparé !» Tout est paré. « Pousse !» Le canot déborda sous l'effort des pagaies manœuvrées silencieusement par les trois inconnus qui semblaient connaître à fond cette nage ordinairement ignorée des Européens. Puis, sans plus tarder, ils abandonnèrent le territoire français, s'élancèrent sur le fleuve en se dirigeant obliquement vers la rive hollandaise. La marée montante les poussait vers le haut du fleuve. Ils dépassèrent bientôt l'habitation Kepler d'environ 1 kilomètre, longèrent la rive pendant quelques minutes, puis cessèrent de pagayer. « Nous y sommes !» dit le patron, sans pourtant accoster. Il lança plusieurs coups de sifflet perçants, modulés et rythmés d'une certaine façon dont la sonorité rappelait les notes aigres du fifre et qui devaient s'entendre fort loin. Il attendit quelques minutes sans que son signal obtînt de réponse. Il recommença patiemment et attendit encore. Au bout d'un grand quart d'heure, une voix rude, semblant sortir de dessous terre, cria brutalement « Qui vibre ?»« Fagomaron !» força évader. Répondit-il. « Accoste !» Il amarra la pirogue, chargea l'Indien sur son épaule et prit pied sur une petite langue de terre formant des barcadères. Ses deux complices le suivirent sans mot dire. « Ton nom ?» reprit la voix, pendant que la faible lueur des étoiles faisait scintiller dans l'ombre le canon d'un fusil. « C'est moi, Benoît. Je suis Tinguy, le domestique du commandant. Je suis avec Bonnet et Mathieu. Si tu voulais avaler ta langue et ne pas prononcer mon nom ?»« Oui, chef, tu as raison. » « À la bonne heure, venez au carbet !» Et quoi? Ce solitaire tapit comme un sanglier dans sa bauge, qui échange des signaux avec les forçats, qui entretient avec eux des relations familières au point d'être tutoyé par eux, ce Benoît, ce chef, est-ce le même homme que nous avons vu il y a 10 ans, revêtu de l'uniforme des surveillants militaires. Benoît, le brutal porte-bâton, le bourreau de Robin. Est-il assez dégradé pour être aujourd'hui devenu le complice des infâmes prisonniers du pénitencier ? Depuis 4 ans, Benoît, chassé comme indigne du corps des surveillants militaires, avait dû quitter honteusement Saint-Laurent, au nid de ses anciens collègues. Nous n'avons pas besoin d'insister sur les causes de son renvoi, que de nombreuses incartades avaient surabondamment motivé. Il disparut un beau jour en annonçant qu'il allait chercher fortune à Suriname. Il se contenta de traverser le Maroni, s'installa mystérieusement dans la forêt, construisit un carbet, se procura un canot et se livra à une série d'opérations d'une nature plus que douteuse. Sa moindre peccadille était la contrebande. Mais on disait tout bas qu'il favorisait les évasions, que les forçats trouvaient chez lui des armes et des provisions, qu'il était enfin devenu leur pourvoyeur et leur banquier. Que le lecteur ne s'étonne pas de cette appellation de banquier. Les forçats ont tous de l'argent. Quelques-uns possèdent même des sommes considérables produites par des vols antérieurs. Ces sommes leur parviennent mystérieusement, ils les enterrent ou les confient à des libérés qui les font valoir et qui les restituent fidèlement en temps et lieu. Il est rare d'ailleurs qu'ils se dépouillent entre eux. La profession de banquier des voleurs étant fort lucrative, les affaires de Benoît prospéraient. Telle était son habileté, son audace et son énergie, tel était aussi le luxe de précaution dont il entourait son existence, que nul ne put jamais non seulement le prendre en défaut, mais encore l'aborder à portée de la voix, sauf bien entendu ses complices. Il vivait retiré et ne se montrait pas pendant le jour. L'arrivée des 3 fugitifs le combla de joie. Il comprit d'emblée l'importance de la capture de l'Indien, quand il eut appris qui il était, et les circonstances dans lesquelles son enlèvement avait été opéré. « Mais c'est une trouvaille que vous avez faite là, mes gars, » disait-il en riant d'un rire sinistre qui se perdait dans l'épaisse broussaille de sa barbe noire. « C'est une fortune, et c'est toi, Tanguy, qui a fait ce joli coup. Allons, mon fils, un bon coup de sec. » Du tafia. « Eh, vous autres, les endormis, trempez-moi votre nez là-dedans. À ta santé, chef. À la vôtre, mes petits agneaux. Raconte-moi donc comment tu t'y es pris pour le mettre comme ça dedans. » « Voilà l'histoire, » répondit Tanguy en prenant une pause de narrateur. « C'est bête comme tout, et ça n'est pas long. Tu sais que j'étais le domestique du commandant. Ça me permettait d'entrer et de sortir à chaque moment. Comme j'étais libérable dans 1 an, on ne se défiait pas de moi. De plus, comme je servais à table, je pouvais faire mon profit des histoires qu'on racontait. Je ne me suis pas fait faute d'ouvrir les oreilles et de loger dans ma cervelle tout ce qui pouvait avoir de l'importance. » C'est ainsi que je saisis au vol la confidence faite il y a quelques jours à mon patron par le vieux docteur. Ils ont pris rendez-vous pour aujourd'hui. Quand le dîner fut fini, ils se réunirent dans la galerie. Je m'étais déjà embusqué sous la fenêtre au milieu des fleurs. Je n'ai pas perdu un mot de leur conversation. Alors, quand le pot rouge est sorti, je lui ai mis le grappin dessus, avec Mathieu et Bonnet, que j'avais prévenu la veille, et qui montaient la garde au bout de l'avenue de Manguier. Tu vois que c'est simple comme bonjour. « C'est très bien, » dit le chef avec un gros rire. « Très bien. Et vous avez pensé amener votre capture à ce vieux chef qui est homme de bon conseil et qui possède la mise de fonds nécessaire à l'entreprise ?»« Dame oui, » répondit Tanguy, l'orateur de la bande, pendant que ses complices opinaient gravement de la tête. « Vous avez bien fait, mes gars. Et je vous réponds comment peu votre confiance sera justifiée. Nous serons riches, riches à millions. Nulle fantaisie ne sera trop chère. Nous pourrons, le diable m'emporte, nous payer chacun un diplôme d'honnête homme. Oui, sans doute, mais à une condition, il faut que l'Indien parle. Il parlera, reprit le chef d'une voix sourde. Qu'il nous conduise, et il nous conduira, termina-t-il d'un ton plus lugubre encore.